Are you ready? Let's go! Rail suprême. 2 heures. DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready? Rail suprême chaque dimanche soir à partir de minuit juste et après ouais. Diffoul, comment ça va Case? Très très très bien, bah figure-toi que je suis très heureux d'avoir passé une super semaine et que je prends l'avion tout à l'heure pour la Thaïlande. Je suis au courant salaud. Voilà. J'enfilais les lunettes noires, je vais passer à la nuit blanche et je vais prendre l'avion 6h du mat. Et après, boulot mercredi. Et après, ouais, pour une grosse soirée le mercredi, c'est à Phuket en Thaïlande, aux Séductions, discothèque. Donc il y a énormément de Français, il y a des arrivages tous les jours. Donc rendez-vous à tous. Il y a de l'arrivage de Français. Ouais, ah, voilà, ouais, il y a de l'arrivage de Français tous les jours. Ah ouais, tu les vois là, de loin hein, là-bas. Bah, ça donc, se trouve, il y en a plein qui vont prendre l'avion demain, qui seront avec toi dans l'avion. Exactement. Et bah, rencard aussi mercredi à Phuket pour retrouver DJ Case. Voilà. Et puis d'ici là, on va profiter de toi dans France ouais. Et partout ailleurs. Et bien sûr, on va faire kiffer la France là ce soir avec 2 heures de mix non-stop. C'est parti. Comme en Colombie, armé jusqu'aux dents, c'est l'Amazonie. Comme en Colombie, armé jusqu'aux dents, c'est l'Amazonie. Ne joue pas trop mieux. Parce que nos jours peu sont fiables. Cherche pas, je suis grillé. Pour me chercher, faudrait un miracle. À quoi tu joues là? Tu crois que je suis ton pote? Tu m'as pris pour qui là? Tu m'as ouvert les yeux. Oh mamma mia. Vous me faites tout chier. Et je m'en tape des gens qui y a. Je jugerai pas moi sans savoir quitter. Quand je me sens faible, je demande à Dieu de me guider. Dieu de me guider. Dieu de me guider. J'ai besoin de me vider. Tu là, tu me fais le killer. Tu n'es qu'un videur. Y'a rien de fantastique. Moi, je rentre en une suite au Kyrie. Et plus rien que je gamberge, ça sert à rien de parler. Je fais les choses à ma manière, tant mieux que ça a marché. Un peu de miel, je la monte en l'air. Coudrin, elle crie mon nom, 2-3 belles paroles en l'air. Et elle me dit t'es mon homme. Tu là, tu me fais le killer. Tu n'es qu'un videur. Y'a rien de fantastique. Moi je rentre en Asie. Viens donc dans ma world. Tu là, tu vois pas, tu dors. Tu là, tu me fatigues.

j'ai des billes, je vis pas d'avoir de la sable ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. Il te faut du soir, du soir, baby, du soir. Ça fait pas comme un spoil, du soir. Ça prend des billes, j'ai des billes. Ça fume des stars comme si c'était légal. Les gars veulent serrer des meufs serrer des gars. Et ça, la night. Les soirées de samedi soir, quelquefois samedi soir, pour quelques billets sans ça part en gîte. Et ça, oh, hey, PDG, PDG, yeah. خلينا من لافيا ويا حي حي ويا كاع انتوما امين تركيا ويا والعاصمة حطوا لا كاليتي والسياسة تزيع علينا هيا كاع صبر صبر

Le son c'est de la frappe comme le pilon marocain. Les rappeurs je les ai piqués comme du piment tunisien. Et si on allait danser Marrakech ou Saint-Tropez. Suprême le dimanche soir, à pas louper. Réagissez aussi avec le hashtag Rail Suprême sur Skyrock. Beaucoup de réactions. Case. Et ouais, ouais, bah là on voit ça. Ouais, c'est de la bombe, ça déchire. Voilà, n'hésitez pas à envoyer tout ce avec le hashtag Rail Suprême. Ça fait un moment d'ailleurs qu'on n'a pas fait de petite dédicace. Ouais, on pourra en faire là dans les semaines qui viennent. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est Fabien. Mais ça défile tellement que si Fab les note pas, on est cuit quoi. Ah, il a cassé ses lunettes là. Donc du coup, il peut pas que ça. Hein. Il y a d'autres choses de casser chez lui. Hein. Ouais. Bon, ok, on est reparti pour une nouvelle session. Ouais, on y go. Allez, c'est parti, coup d'envoi. Ça fait comme jamais.

راني حالف قلب سلام هرب اللتاش man. I love how all girls are move them body.

ce deuxième couple. Je suis venu pour des coupes. Monsieur l'agent, si vous m'écoutez, coûtez. Allez vous faire foot, s'il vous plaît. Vroom, schéma. Un petit pont à la concurrence et schéma. Je te fais un tacle à la gorge comme un Vidal. Guys, numéro 1 des DJ de la capitale. Fais péter le champagne, ouais, fais péter les bastos. Tu rouleras pas en gamme, on s'en joue en les cassos. Le RAP, ça paye pas. Bientôt, je me vesquille. Je m'arrache en Thaïlande, en jet ski. Les fruits bien mûrs au bout de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. J'irai où ton souffle nous mène. Dans les pays d'ivoire et d'ébène. J'effacerai tes larmes, tes peines. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Regarde-moi, ah, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Aïcha, Aïcha, Aïcha. Aïcha, Aïcha, Aïcha. Aïcha, Aïcha, Aïcha. Aïcha, Aïcha, Aïcha. Je dirai les mots des poèmes. Je jouerai les musiques du ciel. Moi je vaux mieux que tout ça. Des barreaux sans des barreaux, mais mon or, je veux les mêmes droits que toi. Du respect pour chaque jour, moi je ne veux que de l'amour. Ne brille, Aïcha, ou en moutalik, ou hedi, Sayyid Hayati, ou Hubbi. عمري وانتي حياتي تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة اول قلب انشاء عايشة عايشة لك الزموة قلبي هذي تقدم شاب خلدون غنيك بخطر قلبي قلبي deux êtres humains j'ai un choix. Mais faudra-t-il faire désormais? Le tien me semble si mauvais. Rachid Arabe, on ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque par peur de faire marabre. Débrouillard, plus tout jeune, un gosse du rachet système. Beurre et conscient de son potentiel en France, si facile se retrouver au Heps. Halafi, on trempe dans des coups, des trafics. J'suis

Des DJ Kays sur Skyrock. Rai Supreme, c'est déjà la fin de ce Rai Supreme. Déjà la fin, ouais. Alors rassure-nous, mercredi, on sait que t'es en Thaïlande. Ouais, c'est ça. Moi, je prends l'avion tout à l'heure et donc rendez-vous à tous les Français mercredi 27, ce mercredi aux Séductions. C'est sur l'île de Phuket en Thaïlande. C'est connu. C'est, tous ceux qui vont en Thaïlande, ils passent par là-bas. Et puis sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à checker toutes les dates. C'est sur la page Facebook DJ Kays et Instagram, Twitter, Snapchat. Bon, un petit peu de repos, Kay, ça va te faire du bien. Ouais, ça va me faire du bien, je vais me reposer. Le soleil. Ouais, c'est et, ça. Ouais. Et, mais par contre, rassure-nous, dimanche prochain, il y aura bien Rai Supreme. Bien sûr, avec de la musique thaïlandaise. Et bah alors, rendez-vous la semaine prochaine, vivement la semaine prochaine. Vivement la semaine prochaine, je serai de retour dimanche prochain pour tout péter et que toute la France nous écoute. Merci beaucoup, Kay, bon voyage et bonnes vacances à ceux qui ont la chance de partir. Ciao. Premier sur le cash. Faut nous dire, Damien, quelle est ta radio préférée?